J'ai vu des sociétés se raconter de belles histoires. Elles disaient changer par choix, par progrès, parfois même par vertu. Elles aimaient se croire libres. Mais à force de traverser les siècles, j'ai appris une chose beaucoup plus prosaïque. Les sociétés changent surtout quand leur manière de produire change. Le reste suit, ou résiste, ou craque. La structure socio-professionnelle d'une société, autrement dit, la manière dont sont répartis les emplois et les positions professionnelles, n'est jamais neutre. Elle est le miroir d'un état de l'économie, des techniques, des rapports sociaux et des institutions. Depuis le XIXe siècle, ce miroir s'est fissuré puis recomposé sous l'effet de quatre grandes transformations qui ne cessent de se renforcer mutuellement. La salarisation, la tertiarisation, la féminisation de l'emploi et l'élévation des qualifications. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Rien ne relève d'un simple changement de mentalité. Ces transformations sont produites par des mécanismes économiques et sociaux précis. Et si l'on veut comprendre la société contemporaine, il faut accepter de les regarder en face. Commençons avec la salarisation de la population active. La salarisation, sur le papier, c'est un mot froid, un terme de manuel. Mais dans la réalité, ce sont des vies qui changent de colonne. Moi, Birdie Dog, j'ai connu Jackie. Jackie tenait un garage, un vrai. Une odeur d'huile, des mains noires, une enseigne bricolée au-dessus de la porte. Il décidait de ses horaires, de ses prix, de ses colères aussi. Puis un jour, les marges se sont mises à fondre. Les normes juridiques et imposées ont gonflé. Les fournisseurs ont serré la vis. Alors Jackie a signé. Le garage est devenu une franchise Midas. Même bâtiment, même pont élévateur. Mais une enseigne qui change et surtout désormais une hiérarchie. Des objectifs, des procédures, un logo et un sourire imposé sous peine d'être sanctionné. Jackie n'est plus indépendant, il est salarié. Il n'a pas disparu. Il a changé de statut. J'ai connu aussi Jacqueline. Jacqueline vendait des vêtements pour dames, une petite boutique, des conseils personnalisés, une relation presque intime avec ses clientes, puis sont arrivées les chaînes. Les collections renouvelées toutes les 6 semaines, les publicités agressives, invasives, quand elles ne sont pas intrusives. Jacqueline a résisté, un temps. Puis l'enseigne Naf-Naf a repris la boutique. Même emplacement, même portant, mais plus aucune décision à prendre. Jacqueline est devenue vendeuse dans son ancien magasin. Voilà ce qu'est la salarisation, pas une révolution brutale, une absorption douce. Au XIXe siècle, la majorité des actifs sont encore paysans, artisans, commerçants. Ils vivent de leur activité. Ils possèdent, même si parfois à peine, leurs outils de travail. Le salariat existe déjà, bien sûr, mais il n'est pas dominant. Puis l'industrie impose ses règles. Machines coûteuses, capitaux lourds, production concentrée, travailler seul devient presque impossible. Ceux qui ne possèdent pas les moyens de produire ou qui ne le peuvent plus doivent vendre ce qu'il leur reste, leur temps, leur force, leur savoir-faire. Au XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, le basculement est achevé. Le salariat devient la norme. Aujourd'hui, près de 9 actifs sur 10 sont salariés. Autrement dit, la majorité des individus dépendent d'un contrat de travail, donc de subordination, pour manger, se loger, pour exister socialement. Pensez-y bien, dans nos sociétés modernes, le travailleur ne vend plus des objets, il se vend lui-même, à durée déterminée ou indéterminée. Pensez-y bien. Votre futur salaire, ce sera votre prix sur le marché. Mais alors, pourquoi le salariat s'impose presque partout ? Parce que l'industrie est arrivée avec ses gros sabots. Moi, Birdie Dog, j'ai vu les machines entrer dans les ateliers comme on entre en terrain conquis. Elles ne demandaient pas la permission, elles coûtaient cher, très cher, et surtout, elles ne se partageaient pas. Produire désormais exigeait des investissements lourds, des bâtiments, des chaînes, des capitaux. Travailler seul, avec ses bras et son savoir-faire, devenait insuffisant, presque archaïque. Alors ceux qui ne possédaient pas les moyens de produire, ou qui ne les possédaient plus, n'avaient qu'une option. Vendre leur travail à ceux qui possédaient les machines. Ils ne vendaient pas une œuvre, ils vendaient leur présence, leur temps, leur obéissance, contractuellement. Pendant ce temps-là, la concurrence faisait son œuvre, silencieuse, implacable. Les artisans, les petits commerçants, beaucoup d'agriculteurs tentaient de tenir, mais face aux grandes unités de production, mieux équipées, plus rapides, plus productives, ils pliaient. Certains fermaient, d'autres changeaient de métier, beaucoup entraient dans le salariat. Le travail indépendant reculait, non par choix idéologique, mais par épuisement économique. Et puis l'État s'en est mêlé. L'administration a grandi, l'école s'est étendue, l'hôpital s'est structuré, les organisations publiques ont recruté par milliers. Et puis pour être intégré économiquement et socialement dans un monde un peu plus individualiste, il fallait désormais un emploi, et cet emploi était presque toujours salarié. Peu à peu, le salariat est devenu la norme. La forme ordinaire de l'existence économique, la condition implicite pour avoir un revenu, des droits, retraite, santé, chômage, et une place. La salarisation n'est pas un complot, c'est une conséquence, celle d'une économie de plus en plus organisée, centralisée, institutionnalisée. Une économie qui n'a plus besoin de producteurs libres, imprévisibles, indociles, mais de travailleurs disponibles, ponctuels, remplaçables et, si possible, souriants.